Chapitre 3. Le docteur Hontekirt. Il est des gens qui donnent bien de l'occupation à la renommée. Cette femme orchestre sans bouche, dont les trompettes portent leur nom aux quatre points cardinaux du monde. C'était le cas de ce célèbre docteur Hontekirt, qui venait d'arriver au port de Gravosa. Et encore, son arrivée avait-elle été marquée par un incident qui eût suffi à attirer l'attention publique sur le plus ordinaire des voyageurs. Or, il n'était pas de ces voyageurs-là. En effet, depuis quelques années, autour du docteur Hontekirt, il s'était fait une sorte de légende dans tous ces pays légendaires de l'Extrême-Orient. L'Asie, depuis les Dardanelles jusqu'au canal de Suez, l'Afrique, depuis Suez jusqu'aux confins de la Tunisie, la mer Rouge, sur tout le littoral arabique, ne cessaient de répéter son nom comme celui d'un homme extraordinaire dans les sciences naturelles, une sorte de gnostique, de Taleb, qui possédait les derniers secrets de l'univers. Au temps du langage biblique, il aurait été appelé Épiphane. Dans les contrées de l'Euphrate, on l'eût révéré comme un descendant des anciens mages. Qu'y avait-il de surfait dans cette réputation? Tout ce qui voulait faire de ce mage un magicien, tout ce qui lui attribuait un pouvoir surnaturel. La vérité est que le docteur Hontekirt n'était qu'un homme, rien qu'un homme, très instruit, d'un esprit droit et solide, d'un jugement sûr, d'une extrême pénétration, d'une merveilleuse perspicacité, et qui avait été remarquablement servi par les circonstances. En effet, dans une des provinces centrales de l'Asie mineure, il avait pu garantir toute une population d'une épidémie terrible, jugée jusque-là contagieuse et dont il avait trouvé le spécifique. De là une renommée sans égale. Ce qui contribuait à lui donner cette célébrité tenait principalement à l'impénétrable mystère qui entourait sa personne. D'où venait-il? On l'ignorait. Quel avait été son passé? On ne le savait pas davantage. Où avait-il vécu et dans quelles conditions? Nul n'aurait pu le dire. On affirmait seulement que ce docteur Hontekirt était pour ainsi dire adoré des populations dans ces contrées de l'Asie mineure et de l'Afrique orientale, qu'il passait pour un médecin hors ligne, que le bruit de ses cures extraordinaires était arrivé jusque dans les grands centres scientifiques de l'Europe, que ses soins, il ne les épargnait pas plus aux pauvres gens qu'aux riches seigneurs et pachas de ses provinces. Mais on ne l'avait jamais vu dans les pays d'Occident, et même depuis quelques années, on ne connaissait pas le lieu de sa résidence. De là cette propension à le faire sortir de quelque mystérieux avatar, de quelque incarnation hindoue, à en faire un être surnaturel, guérissant par des moyens surnaturels. Mais si le docteur Hontekirt n'avait pas encore exercé son art dans les principaux états de l'Europe, sa renommée l'y avait déjà précédé. Bien qu'il ne fût arrivé à Ragusa qu'en simple voyageur, un riche touriste qui se promenait sur son yacht et visitait les divers points de la Méditerranée, son nom courut bientôt à travers la ville. Et en attendant qu'on pût voir le docteur lui-même, la goélette qui le portait eut le privilège d'attirer les regards. L'accident, prévenu par le courage de Cap Matifou, aurait suffi d'ailleurs pour provoquer l'attention publique. En vérité, ce yacht eût fait honneur aux plus riches, aux plus fastueux gentlemen des sports nautiques de l'Amérique, de l'Angleterre et de la France. Ces deux mâts, droits et rapprochés du centre, ce qui donnait un grand développement à la trinquette et à la grande voile, la longueur de son beau pré, gréé de deux focs, la croisure des voiles carrées qu'il portait au mât de misaine, la hardiesse de ses flèches, tout cet appareil vélique, devait lui communiquer une merveilleuse vitesse, même par tous les temps. Cette goélette jaugeait 350 tonneaux, longue et effilée, avec beaucoup de quêtes et d'élancements, mais assez large de baux, assez profonde de tirant d'eau, pour être assurée d'une extrême stabilité. C'était ce qu'on appelle un bâtiment marin, bien dans la main du timonier, pouvant serrer le vent à 4 quarts. par grand largue, comme au plus près, avec belle brise, elle n'était pas gênée d'enlever ses 13 nœuds et demi à l'heure. Les Boadicée, les Gaetana, les Mordone du Royaume-Uni n'auraient pu lui tenir tête dans un match international. Quant à la beauté extérieure et intérieure de ce yacht, le plus sévère yachtman n'eût pas pu imaginer mieux. La blancheur du pont en sape du Canada, sans un seul nœud, le dedans des pavois finement amenuisés, les capots et les claires voies de teck dont les cuivres brillaient comme de l'or, l'ornementation de sa roue de gouvernail, la disposition de ses drômes sous leurs étuis éclatants de blancheur, le fini du pouliage, des drisses, écoutes pantoires et manœuvres courantes, tranchant par leur couleur avec le fer galvanisé des étais, aubans et galobans, la coupe de ses embarcations vernissées, suspendues gracieusement sur leur porte-manteau, le noir brillant de toute sa coque, relevé d'un simple liston d'or de la proue à la poupe, la sobriété de ses ornements à l'arrière, tout en faisait un bâtiment d'un goût exquis et d'une élégance extrême. Ce yacht, il importe de le connaître au-dedans comme au-dehors, puisqu'en fin de compte, il était la demeure flottante du mystérieux personnage qui va être le héros de cette histoire. Il n'était point permis de le visiter, cependant, mais le conteur possède comme une sorte de seconde vue qui lui permet de décrire même ce qu'il ne lui a pas été donné de voir. À l'intérieur de cette goélette, le luxe le disputait au confort. Les chambres et cabines, les salons, la salle à manger étaient peintes et décorées à grands frais. Les tapis, les tentures, tout ce qui constituait l'ameublement était ingénieusement adapté aux besoins d'une navigation de plaisance. Cette appropriation, si bien comprise, se retrouvait non seulement dans les chambres du capitaine, des officiers, mais encore dans l'office où la vaisselle d'argent et de porcelaine était protégée contre les rudesses du tangage et du roulis, dans la cuisine tenue avec une propreté hollandaise et dans le poste où les amas de l'équipage pouvaient se balancer à l'aise. Les hommes, au nombre d'une vingtaine, portait l'élégant costume des marins maltais, culottes courtes, bottes de mer, chemises rayées, leur ceinture brune, bonnet rouge, vareuse, sur laquelle s'écartelaient en blanc les initiales du nom de la goélette et de son propriétaire. Mais à quel port était attaché ce yacht? De quel rôle d'inscription maritime relevait-il? En quel pays limitrophe de la Méditerranée prenait-il ses quartiers d'hiver? Quelle était sa nationalité, enfin? On ne la connaissait pas plus qu'on ne connaissait la nationalité du docteur. Un pavillon vert avec une croix rouge à l'angle supérieur, près du guindant de l'étamine, battait à sa corne, et on l'eût vainement cherché dans la série si nombreuse des divers pavillons qui se promènent en n'importe quelle mer du globe. En tout cas, avant que le docteur Antekert n'eût débarqué, les papiers du yacht avaient été remis à l'officier de port, et sans doute il s'était trouvé parfaitement en règle, puisqu'on lui avait donné la libre pratique après la visite de la santé. Quant au nom de cette goélette, il apparaissait sur le tableau d'arrière en petite capitale d'or, sans désignation de port d'attache, et ce nom, c'était Savarena. Tel était l'admirable bâtiment de plaisance que l'on pouvait maintenant admirer dans le port de Gravosa. Pointe Pescade et Cap Matifou, qui le lendemain devaient être reçus à bord par le docteur Antekirt, le contemplaient avec non moins de curiosité, mais aussi avec un peu plus d'émotion que les marins du port. En leur qualité de natifs des rivages de la Provence, ils étaient extrêmement sensibles aux choses de la mer. Pointe Pescade, surtout, qui pouvait regarder en connaisseur cette merveille de construction maritime. C'est à quoi tous deux s'occupaient le soir même après leur représentation. Ah, faisait Cap Matifou. Oh, faisait Pointe Pescade. Hein, Pointe Pescade? Je ne dis pas le contraire, Cap Matifou. Et ces mots, sorte d'interjections admiratives, dans la bouche de ces deux pauvres acrobates, en disaient plus long que bien d'autres. En ce moment, toutes les manœuvres qui suivent l'opération du mouillage était terminée à bord de la Savarena, voile serrée sur leur vergue, gréement mise en place et raidie avec soin, tente dressée à l'arrière. La goélette avait été à fourcher dans un angle du port, ce qui indiquait qu'elle comptait faire un séjour de quelque durée. Du reste, ce soir-là, le docteur Antekirt se contenta d'une simple promenade aux environs de Gravosa. Tandis que Silas Torontal et sa fille revenaient à Ragusa dans leur voiture qui les avait attendus sur le quai, pendant que le jeune homme dont il a été question rentrait à pied par la longue avenue sans attendre la fin de la fête, alors dans toute son animation, le docteur se bornait à visiter le port. C'est l'un des meilleurs de la côte, et il s'y trouvait alors un assez grand nombre de bâtiments de nationalités diverses. Puis, après être sorti de la ville, il suivit les bords de la baie d'Ombra Fiumera, qui s'étend sur une profondeur de 12 lieues, jusqu'à l'embouchure de la petite rivière d'Ombra, cours d'eau assez profond pour que les navires, même d'un fort tirant d'eau, puissent le remonter presque au pied des monts Vlastiza. Vers 9 heures, il revint sur le môle. Il assista à l'arrivée d'un grand paquebot du Lloyd, qui venait de la mer des Indes. Enfin, il regagna son bord, descendit dans sa chambre éclairée par 2 lampes, et il y resta seul jusqu'au lendemain. C'était son habitude, et le capitaine de la Savarena, un marin d'une 40aine d'années, nommé Narsos, avait ordre de ne jamais troubler le docteur pendant ses heures de solitude. Il faut dire que si le public ne connaissait rien du passé de ce personnage, ses officiers et les hommes de son bord n'en savaient pas plus. Ils ne lui en étaient pas moins dévoués de corps et d'âme. Si le docteur Antekirt ne tolérait pas la moindre infraction à la discipline du bord, il était bon pour tous, donnant soin et argent sans compter. Aussi, pas un matelot qui ne se fût empressé de figurer sur le rôle de la Savarena. Jamais une réprimande à adresser, jamais une punition à infliger, jamais une expulsion à faire. C'était comme les membres d'une même famille qui formaient l'équipage de la goélette. Après la rentrée du docteur, toutes les dispositions furent prises pour la nuit. Une fois les fanaux d'avant et d'arrière mis en place et les hommes de garde à leur poste, le silence le plus complet régna à bord. Le docteur Antekirt était assis sur un large divan disposé dans l'angle de sa chambre. Sur une table, il y avait quelques journaux que son domestique avait été acheté à Gravosa. Le docteur les parcourut d'un œil distrait, lisant plutôt les faits divers que les articles de fond, recherchant quels étaient les arrivages et sorties des navires, les déplacements et villégiatures des notabilités de la province. Puis il repoussa ses journaux. Une sorte de torpeur somnolente le gagnait. Et vers 11 heures, sans même avoir pris l'aide de son valet de chambre, il se coucha. Mais il fut longtemps avant de pouvoir s'endormir. Et si l'on eût pu lire la pensée qui l'obsédait plus particulièrement peut-être, se fût-on étonné qu'elle se résumât dans cette phrase. Quel est donc ce jeune homme qui saluait Silas Torontal sur les quais de Gravosa? Le lendemain matin, vers 8 heures, le docteur Antekirt monta sur le pont. La journée promettait d'être magnifique. Le soleil allumait déjà la cime des montagnes qui forment l'arrière-plan au fond de la baie. L'ombre commençait à se retirer du port en glissant à la surface des eaux. La Savarena se trouva bientôt en pleine lumière. Le capitaine Narsos s'approcha du docteur pour prendre ses ordres que celui-ci donna en quelques mots, non sans lui avoir préalablement souhaité le bonjour. Un instant après, un canot se détacha du bord avec 4 hommes et un patron. Puis il se dirigea vers le quai où devait l'attendre, ainsi que cela était convenu, Pointe Pescade et Cap Matifou. Un grand jour, une grande cérémonie dans la nomade existence de ces 2 honnêtes garçons, entraînés si loin de leur pays, à 100 lieues de cette province qu'ils désiraient en revoir. Tous 2 étaient sur le quai. Ayant quitté l'accoutrement de leur profession, vêtus d'habits usés mais propres, ils regardaient le yacht, l'admirant comme la veille. Ils se trouvaient dans une heureuse disposition d'esprit. Non seulement Cap Matifou et Pointe Pescade avaient soupé la veille, mais ils avaient aussi déjeuné ce matin même. Une véritable folie, qu'expliquait, après tout, une recette extraordinaire de 42 florins. Mais qu'on ne s'avise pas de croire qu'ils eussent dissipé toutes leurs recettes. Non, Pointe Pescade était prudent, rangé, prévoyant, et la vie leur était assurée pour une dizaine de jours au moins. C'est à toi pourtant que nous devons tout cela, Cap Matifou. Oh, Pescade! Oui, à toi, mon grand homme. Eh bien, oui, à moi, puisque tu le veux, répondit Cap Matifou. En ce moment, le canot de la Savarena accosta le quai. Là, le patron se levant, son béret à la main, s'empressa de dire qu'il était aux ordres de ces messieurs. Des messieurs? S'écria Pointe Pescade. Quels messieurs? Vous-même, répondit le patron, vous que le docteur Antekert attend à son bord. Ah bon? Voilà déjà que nous sommes des messieurs, dit Pointe Pescade. Cap Matifou ouvrait d'énormes yeux et tourmentait son chapeau d'un air fort embarrassé. Quand vous voudrez, messieurs, dit le patron. Mais nous voulons, répondit Pointe Pescade avec un geste aimable. Et un instant après, les deux amis étaient confortablement assis dans le canot, sur le tapis noir à lisière rouge qui recouvrait le banc, tandis que le patron se tenait derrière eux. Il va sans dire que sous le poids de l'Hercule, l'embarcation s'enfonça de 4 ou 5 pouces au-dessus de sa ligne de flottaison. Il fallut même relever les coins du tapis pour qu'ils ne traînassent pas dans l'eau. Au coup de sifflet, les 4 avirons plongèrent avec ensemble et le canot marcha rapidement vers la Savarena. On peut l'avouer, puisque cela est, ces 2 pauvres diables se sentaient quelque peu émus, pour ne pas dire un peu honteux. Tant d'honneur pour des saltimbanques. Cap Matifou n'osait pas remuer. Pointe Pescade, lui, ne pouvait dissimuler sous sa confusion un bon sourire dont s'animait sa fine et intelligente figure. Le canot vint passer à l'arrière de la goélette et se rangea à la coupée de tribord, le côté d'honneur. Par l'escalier volant dont les pistolets fléchirent sous le poids de Cap Matifou, les 2 amis montèrent sur le pont et furent aussitôt conduits devant le docteur Antekirt qui les attendait à l'arrière. Après un bonjour amical, il y eut encore quelques formalités et cérémonies avant que Pointe Pescade et Cap Matifou eussent consenti à s'asseoir. Mais enfin c'était fait. Le docteur les regarda pendant quelques instants sans parler. Sa figure, froide et belle, leur imposait. Cependant, on ne pouvait s'y tromper. Si le sourire n'était pas sur ses lèvres, il était dans son cœur. « Mes amis, dit-il, vous avez sauvé hier d'un grand danger mon équipage et moi. J'ai voulu encore une fois vous en remercier, et c'est pour cela que je vous ai prié de venir à bord. » « Monsieur le docteur, répondit Pointe Pescade, qui commençait à reprendre un peu d'assurance, vous êtes bien bon, et cela n'en valait pas la peine. Mon camarade n'a fait que ce que tout autre eût fait à sa place s'il avait eu sa force, n'est-ce pas, Cap Matifou ? » Celui-ci fit ce signe affirmatif qui consistait à remuer sa grosse tête de haut en bas. « Soit, répondit le docteur, mais ce n'est pas tout autre, c'est votre compagnon qui a risqué sa vie, et je me considère comme son obligé. » « Oh, monsieur le docteur, répondit Pointe Pescade, vous allez faire rougir mon vieux Cap, et sanguin comme il est, il ne faut pas que le sang lui monte à la tête. » « Bien, mes amis, reprit le docteur Antekirt, je vois que vous n'aimez guère les compliments, aussi je n'insisterai pas. Cependant, puisque tout service mérite... Monsieur le docteur, répondit Pointe Pescade, je vous demande pardon si je vous interromps, mais toute bonne action porte en elle-même sa récompense à ce que prétendent les livres de morale, et nous sommes récompensés. « Déjà ? Et comment ? » demanda le docteur, qui put craindre d'avoir été devancé. « Sans doute, reprit Pointe Pescade, après cette preuve extraordinaire des forces de notre Hercule en tout genre, le public a voulu le juger par lui-même dans des conditions plus artistiques. Aussi s'est-il porté en foule vers nos arènes provençales. Cap Matifou a terrassé une 12 des plus robustes montagnards et des plus solides portefaix de Gravosa, et nous avons fait une recette énorme. Énorme ? Oui, sans précédent dans nos tournées acrobatiques. Et combien ? 42 florins. Ah, vraiment ? Mais j'ignorais, répondit le docteur Antekirt d'un ton de bonne humeur. Si j'avais su que vous donniez une représentation, je me serais fait un devoir et un plaisir d'y assister. Vous me permettrez donc de payer ma place. Ce soir, monsieur le docteur, ce soir, répondit Pointe-Pescade, si vous voulez bien honorer nos luttes de votre présence. Cap Matifou s'inclina poliment en faisant onduler ses larges épaules, qui n'avaient jamais encore mordu la poussière, comme le disait le programme par la bouche de Pointe-Pescade. Le docteur Antekirt vit bien qu'il ne pourrait faire accepter aucune récompense aux deux acrobates, du moins sous la forme pécuniaire. Il résolut donc de procéder autrement. D'ailleurs, son plan à leur égard était arrêté depuis la veille. Des quelques renseignements qu'il avait déjà fait prendre pendant la soirée, il résultait que les deux saltimbanques étaient d'honnêtes gens, dignes de toute confiance. « Comment vous nommez-vous » leur demanda-t-il. « Le seul nom que je me connaisse, monsieur le docteur, est Pointe-Pescade. »« Et vous ?»« Matifou, » répondit l'Hercule. « C'est-à-dire Cap Matifou, » ajouta Pointe-Pescade, non sans éprouver quelque orgueil à prononcer ce nom fameux dans toutes les arènes du Midi de la France. « Mais ce sont des surnoms ?» fit observer le docteur. « Nous n'en avons pas d'autres, » répondit Pointe-Pescade. « Ou si nous en avons eu, comme nos poches ne sont plus en très bon état, nous les aurons perdus en route. » « Et des parents ?»« Des parents, monsieur le docteur ? Nos moyens ne nous ont jamais permis ce luxe, mais si nous devenons riches un jour, il s'en trouvera bien pour hériter. Vous êtes français ? De quelle partie de la France ? De la Provence, répondit fièrement Pointe-Pescade, c'est-à-dire deux fois français. Vous ne manquez pas de bonne humeur, Pointe-Pescade. Ah, c'est le métier qui veut ça. Vous figurez-vous, monsieur le docteur, un pitre, une queue rouge, un farceur de tréteau ? Qui serait d'humeur chagrine, mais il recevrait plus de pommes en une heure qu'il ne pourrait en manger dans toute sa vie. Oui, je suis très gai, extrêmement gai, c'est convenu. Et Cap Matifou ? Oh, Cap Matifou est plus grave, plus réfléchi, plus en dedans, répondit Pointe-Pescade en donnant à son compagnon une bonne petite tape d'amitié, comme on fait à l'encolure d'un cheval que l'on caresse. C'est aussi le métier qui veut cela. Quand on jongle avec des poids de 50, il faut être très sérieux. Quand on lutte, c'est non seulement avec les bras, c'est avec la tête. Et Cap Matifou a toujours lutté, même contre la misère. Et elle ne l'a pas encore tombée. Le docteur Antekert écoutait avec intérêt ce brave petit être pour qui la destinée avait été si dure jusqu'alors et qui ne récriminait point contre elle. Il sentait en lui au moins autant de cœur que d'intelligence, et songeait à ce qu'il aurait pu devenir si les moyens matériels ne lui eussent pas manqué dès le début de sa vie. « Et où allez-vous maintenant ? » lui demanda-t-il. « Devant nous, au hasard, » répondit Pointe-Pescade. « Mais ce n'est pas toujours un mauvais guide, le hasard, et en général, il connaît les chemins. Seulement je crains qu'il ne nous ait entraînés trop loin de notre pays cette fois. Après tout, c'est notre faute. Nous aurions d'abord dû lui demander où il allait. » Le docteur Antekert les observa tous deux pendant un instant. Puis reprenant, « Que pourrais-je faire pour vous ? » dit-il en insistant. « Mais rien, monsieur le docteur, » répondit Pointe-Pescade. « Rien, je vous assure. N'auriez-vous pas grand désir de retourner maintenant dans votre Provence ?» Les yeux des deux acrobates s'allumèrent à la fois. « Je pourrais vous y conduire ? » reprit le docteur. « Ah, ça serait fameux, » répondit Pointe-Pescade. Puis, s'adressant à son compagnon, « Cap Matifou, » dit-il, « voudrais-tu retourner là-bas ? » ?»« Oui, si tu y viens, Pointe-Pescade. » »« Mais qui ferons-nous ? De quoi y vivrons-nous ? » Cap Matifou se gratta le front, ce qu'il faisait dans tous les cas embarrassant. « Nous ferons, murmura-t-il. « Tu n'en sais rien, ni moi non plus. Mais enfin, c'est le pays. N'est-ce pas singulier, monsieur le docteur ? Que de pauvres diables comme nous aient un pays, que de misérables qui n'ont même pas de parents soient nés quelque part, cela m'a toujours paru inexplicable. Vous arrangeriez-vous de rester tous deux avec moi ? Demanda le docteur Antekirt. À cette proposition inattendue, Pointe-Pescade s'était relevé vivement, tandis que l'Hercule le regardait, ne sachant s'il devait se relever comme lui. Rester avec vous, monsieur le docteur ? Répondit enfin Pointe-Pescade. « Mais à quoi serions-nous bons ? Des tours de force, des tours d'adresse, nous n'avons jamais fait autre chose. et à moins que ce ne soit pour vous distraire pendant votre navigation ou dans votre pays. Écoutez-moi, répondit le docteur Antekirt. J'ai besoin d'hommes courageux, dévoués, adroits et intelligents, qui puissent servir à l'accomplissement de mes projets. Vous n'avez rien qui vous retienne ici, rien qui vous appelle là-bas. Voulez-vous être de ces hommes ? Mais ces projets réalisés, dit Pointe-Pescade. Vous ne me quitterez plus, si cela vous plaît, répondit le docteur en souriant. Vous resterez à bord avec moi. Et tenez, vous donnerez des leçons de voltige à mon équipage. S'il vous convient, au contraire, de retourner dans votre pays, vous le pourrez, et d'autant mieux que l'aisance vous y sera assurée pour la vie. « Oh, monsieur le docteur !» s'écria Pointe-Pescade. « Mais vous n'entendez cependant pas nous laisser à rien faire ? N'être bon à rien ne nous suffirait pas ? Je vous promets de la besogne, de quoi vous contenter ?»« Décidément, » répondit Pointe-Pescade, « l'offre est bien tentante. »« Quelle objection y faites-vous ? Une seule, peut-être. Vous nous voyez tous deux, Cap Matifou et moi. Nous sommes du même pays, et nous serions sans doute de la même famille, si nous avions une famille. Deux frères de cœur. Cap Matifou ne pourrait vivre sans Pointe-Pescade, ni Pointe-Pescade sans Cap Matifou. Imaginez les deux frères siamois. On n'a jamais pu les séparer, n'est-ce pas ? Parce qu'une séparation leur eût coûté la vie. Eh bien, nous sommes ces siamois-là. Nous nous aimons, monsieur le docteur. » Et Pointe-Pescade avait tendu la main à Cap Matifou, qui l'attira sur sa poitrine et l'y pressa comme un enfant. « Mes amis, dit le docteur Antekirt, il n'est point question de vous séparer, et j'entends bien que vous ne vous quitterez jamais. »« Alors, ça pourra aller, monsieur le docteur, si... »« Si ?»« Si Cap Matifou donne son consentement. »« Dis oui, Pointe-Pescade, répondit l'Hercule, et tu auras dit oui pour nous deux. »« Bien, répondit le docteur, c'est convenu, et vous n'aurez point à vous repentir. À partir de ce jour, ne vous préoccupez plus de rien. » « Oh, monsieur le docteur, prenez garde !» s'écria Pointe-Pescade. « Vous vous engagez peut-être plus que vous ne pensez. »« Et pourquoi ?»« C'est que nous vous coûterons cher, Cap Matifou surtout. Un gros mangeur, mon Cap, et vous ne voudriez pas qu'il perdît de ses forces à votre service, si peu que ce fût. »« Je prétends qu'il les double, au contraire. »« Alors il va vous ruiner. »« On ne me ruine pas, Pointe-Pescade. »« Cependant, deux repas, trois repas par jour. » 5, 6, 10, s'il le veut, répondit en souriant le docteur Antekirt. Il y aura table ouverte pour lui. Hein, mon Cap ? S'écria Pointe-Pescade, tout joyeux. Tu vas donc pouvoir manger tout au comptant. Et vous aussi, Pointe-Pescade ? Oh, moi, un oiseau. Mais pourrais-je vous demander, monsieur le docteur, si nous naviguerons ? Oui, souvent, mon ami. Je vais avoir affaire, maintenant, aux quatre coins de la Méditerranée. Ma clientèle sera un peu partout sur le littoral. Je compte exercer la médecine d'une façon internationale. Qu'un malade me demande à Tanger ou au Baléares, quand je suis à Suez, ne faudra-t-il pas que j'aille le trouver ? Ce qu'un médecin fait dans une grande ville d'un quartier à l'autre, je le ferai du détroit de Gibraltar à l'archipel, de l'Adriatique au golfe du Lion, de la mer Ionienne à la baie de Gabès. J'ai d'autres bâtiments, 10 fois plus rapides que cette goélette, et le plus souvent, vous m'accompagnerez dans mes visites. Cela nous va, monsieur le docteur, répondit Pointe-Pescade en se frottant les mains. Vous ne craignez pas la mer ? Demanda le docteur Antekirt. Nous ? S'écria Pointe-Pescade. Nous ? Des enfants de la Provence ? Tout gamin, nous roulions dans les canaux du rivage. Non, nous ne craignons pas la mer, ni le prétendu mal qu'elle donne. Habitude de marcher la tête en bas et les pieds en l'air. Si, avant de s'embarquer, ces messieurs et ces dames faisaient seulement 2 mois de cet exercice, ils n'auraient plus besoin, pendant les traversées, de se fourrer le nez dans leur cuvette. Entrez, entrez, messieurs, mesdames, et suivez le monde. Et le joyeux Pescade se laissait aller à ses boniments habituels, comme s'il eût été sur les tréteaux de sa baraque. Bien, Pointe-Pescade, répondit le docteur. Nous nous entendrons à merveille. Et par-dessus tout, je vous recommande de ne rien perdre de votre belle humeur. Riez, mon garçon, riez et chantez, tant qu'il vous plaira. L'avenir nous garde peut-être d'assez tristes choses pour que votre joie ne soit pas à dédaigner en route. En parlant ainsi, le docteur Antekirt était redevenu sérieux. Pointe-Pescade, qui l'observait, pressentit que dans le passé de cet homme, il devait y avoir eu de grandes douleurs qu'il leur serait peut-être donné de connaître un jour. « Monsieur le docteur, dit-il alors, à partir d'aujourd'hui, nous vous appartenons corps et âme. » « Et dès aujourd'hui, répondit le docteur, vous pouvez vous installer définitivement dans votre cabine. Très probablement, je vais rester quelques jours à Gravosa et à Raguse, mais il est bon que vous preniez dès maintenant l'habitude de vivre à bord de la Savarena. » « Jusqu'au moment où vous nous aurez conduits dans votre pays, » ajouta Pointe-Pescade. « Je n'ai pas de pays, » répondit le docteur, « ou plutôt j'ai un pays que je me suis fait, un pays à moi, et qui, si vous le voulez, deviendra le vôtre. »« Allons, Cap Matifou, » s'écria Pointe-Pescade, « allons liquider notre maison de commerce. Sois tranquille, nous ne devons rien à personne, et nous ne ferons pas faillite. » Là-dessus, après avoir pris congé du docteur Antekirt, les deux amis s'embarquèrent dans le canot qui les attendait et furent ramenés au quai de Gravosa. Là, en 2 heures, ils eurent fait leur inventaire et cédé à quelques confrères les tréteaux, toiles peintes, grosses caisses et tambours qui formaient tout leur avoir. Ce ne fut ni long ni difficile, et ils ne devaient pas être alourdis par le poids des quelques florins qu'ils empochaient. Cependant, Pointe-Pescade tint à conserver avec sa défroque d'acrobate son cornet à piston, et Cap Matifou son trombone avec son accoutrement de lutteur. Ils auraient eu trop de chagrin à se séparer de ces instruments et de ces nippes qui leur rappelaient tant de succès et de triomphes. Ils furent cachés au fond de l'unique malle qui contenait leur mobilier, leur garde-robe, tout leur matériel enfin. Vers 1 heure après-midi, Pointe-Pescade et Cap Matifou étaient de retour à bord de la Savarena. Une grande cabine de l'avant avait été mise à leur disposition. Cabine confortable, pourvue de tout ce qu'il fallait pour écrire, ainsi que le disait le joyeux garçon. L'équipage fit le meilleur accueil à ses nouveaux compagnons, auxquels il devait d'avoir échappé à une terrible catastrophe. Dès leur arrivée, Pointe-Pescade et Cap Matifou purent constater que la cuisine du bord ne leur ferait pas regretter la cuisine des arènes provençales. « Vois-tu, Cap Matifou, répétait Pointe-Pescade en vidant un verre de bon vin d'Asti, avec de la conduite on arrive toujours à tout, mais faut de la conduite. » Cap Matifou ne put répondre que par un hochement de tête, sa bouche étant alors encombrée d'un énorme morceau de jambon grillé qui disparut avec 2 œufs frits dans les profondeurs de son estomac. « Rien que pour te voir manger, mon Cap, dit Pointe-Pescade, quelle recette on ferait ?» Chapitre 4. La veuve d'Étienne Bathory. L'arrivée du docteur Antekirt avait fait grand bruit, non seulement à Raguse, mais aussi dans toute la province d'Almat. Les journaux, après avoir annoncé l'arrivée de la goélette au port de Gravosa, s'étaient jetés sur cette proie qui promettait une série de chroniques affriolantes. Le propriétaire de la Savarena ne pouvait donc échapper aux honneurs et en même temps aux inconvénients de la célébrité. Sa personnalité fut à l'ordre du jour. La légende s'en empara. On ignorait qui il était, d'où il venait, où il allait. Cela ne pouvait que piquer davantage la curiosité publique. Et naturellement, quand on ne sait rien, le champ est plus vaste, l'imagination en profite, et ce fut à qui paraîtrait le mieux informé. Les reporters, désireux de satisfaire leurs lecteurs, s'étaient empressés de se rendre à Gravosa, quelques-uns même à bord de la goélette. Ils ne purent voir le personnage dont l'opinion s'occupait avec tant d'assistance. Les ordres étaient formels. Le docteur ne recevait pas. Aussi, les réponses que faisait le capitaine Narsos à toutes les demandes des visiteurs étaient-elles invariablement les mêmes. Mais d'où vient ce docteur? D'où il lui plaît? Et où va-t-il? Où il lui convient d'aller? Et qui est-il ? Personne ne le sait, et peut-être ne le sait-il pas plus que ceux qui le demandent. Le moyen de renseigner des lecteurs avec de si laconiques réponses. Il s'ensuivit donc que les imaginations, ayant toute liberté, ne se génèrent pas pour vagabonder en pleine fantaisie. Le docteur Antekirt devint tout ce qu'on voulut. Il avait été tout ce qu'il leur plut d'inventer à ces chroniqueurs aux abois. Pour les uns, c'était un chef de pirates. Pour les autres, roi d'un vaste empire africain, il voyageait incognito dans le but de s'instruire. Ceux-ci affirmaient que c'était un exilé politique. Ceux-là qu'une révolution l'ayant chassé de ses états, il parcourait le monde en philosophe et en curieux. On pouvait choisir. Quant à ce titre de docteur dont il se parait, ceux qui voulurent bien l'admettre se divisèrent. Dans l'opinion des uns, c'était un grand médecin qui avait fait d'admirables cures en des cas désespérés. Dans l'opinion des autres, c'était le roi des charlatans et il eût été fort empêché de montrer ses brevets ou diplômes. En tout cas, les médecins de Gravosa et de Raguse n'eurent point à le poursuivre pour exercice illégal de la médecine. Le docteur Antekirt se tint constamment sur une extrême réserve, et quand on voulut lui faire l'honneur de le consulter, il se déroba toujours. D'ailleurs, le propriétaire de la Savarena ne prit point appartement à terre. Il ne descendit même pas dans un des hôtels de la ville. Pendant les deux premiers jours de son arrivée à Gravosa, c'est tout au plus s'il poussa jusqu'à Raguse. Il se bornait à faire quelques promenades aux environs, et deux ou trois fois, il emmena Pointe-Pescade, dont il appréciait l'intelligence naturelle. Mais s'il ne se rendit pas à Raguse, un jour, Pointe-Pescade y alla pour lui. Chargé de quelques missions de confiance, peut-être un renseignement à recueillir, ce brave garçon répondit comme il suit aux questions qui lui furent faites à son retour. « Ainsi, celui-là demeure dans le Stradone ?»« Oui, monsieur le docteur, c'est-à-dire dans la plus belle rue de la ville. Il occupe un hôtel, pas loin de la place où l'on montre aux étrangers le palais des anciens doges. Un magnifique hôtel avec des domestiques, des voitures. Un vrai train de millionnaire. Et l'autre ?»« L'autre, ou plutôt les autres ?» répondit Pointe-Pescade. « Ils habitent bien le même quartier, mais leur maison est perdue au fond de ces rues montantes, étroites, tortueuses, à vrai dire de véritables escaliers, qui conduisent à des habitations plus que modestes. Leur demeure est humble, petite, triste d'aspect au dehors, bien qu'au-dedans, j'imagine, elles doivent être proprement tenues, monsieur le docteur. On sent qu'elle est habitée par des gens pauvres et fiers. » Et cette dame ? Je ne l'ai pas vue, et l'on m'a dit qu'elle ne sortait presque jamais de la rue Marinella. Et son fils ? Lui, je l'ai aperçu, monsieur le docteur, au moment où il rentrait chez sa mère. Et comment a-t-il paru ? Il m'a paru préoccupé, inquiet même. On dirait que ce jeune homme a passé par la souffrance, cela se voit. Mais toi aussi, Pointe-Pescade, tu as souffert, et cependant cela ne se voit pas. Souffrances physiques ne sont pas souffrances morales, monsieur le docteur. Voilà pourquoi j'ai toujours pu cacher les miennes, et même en rire. Le docteur tutoyait déjà Pointe-Pescade, ce que celui-ci avait réclamé comme une faveur dont Cap Matifou devait bientôt profiter. Vraiment, l'Hercule était trop imposant pour que l'on pût se permettre de le tutoyer si vite. Cependant, le docteur, après avoir fait ses questions et reçu ses réponses, cessa ses promenades autour de Gravosa. Il semblait attendre une démarche qu'il n'eût pas voulu provoquer en allant à Raguse, où la nouvelle de son arrivée sur la Savarena devait être connue. Il resta donc à bord, et ce qu'il attendait arriva. Le 29 mai, vers 11 heures au matin, après avoir observé, sa lunette aux yeux, les quais de Gravosa, le docteur donna l'ordre d'armer sa baleinière, y descendit, puis débarqua près du môle où se tenait un homme qui semblait le guetter. « C'est lui, se dit le docteur, c'est bien lui. Je le reconnais, si changé qu'il soit. » Cet homme était un vieillard, brisé par l'âge, bien qu'il n'eût que 70 ans. Ses cheveux blancs recouvraient une tête qui s'inclinait vers la tête. Sa figure était grave, triste, à peine animée d'un regard à demi éteint que les larmes avaient dû souvent noyer. Il se tenait immobile sur le quai, n'ayant pas perdu de vue le canot depuis le moment où il s'était détaché de la goélette. Le docteur ne voulut point avoir l'air d'apercevoir ce vieillard encore moins de le reconnaître. Il ne parut donc pas remarquer sa présence. Mais à peine avait-il fait quelques pas que le vieillard s'avança vers lui et, humblement découvert, « Le docteur Antekirt ? » demanda-t-il. « C'est moi, » répondit le docteur en regardant ce pauvre homme dont les paupières n'eurent pas même un tressaillement lorsque ses yeux se fixèrent sur lui. Puis il ajouta, « Qui êtes-vous, mon ami, et que me voulez-vous ? » « Je me nomme Boric, » répondit le vieillard. « Je suis au service de Madame Bathory, et je viens de sa part vous demander un rendez-vous. »« Madame Bathory ?» répéta le docteur. « Serait-ce la veuve de ce Hongrois qui paya de sa vie son patriotisme ?»« Elle-même, » répondit le vieillard. « Et bien que vous ne l'ayez jamais vue, il est impossible que vous ne la connaissiez pas, puisque vous êtes le docteur Antekirt. » Celui-ci écoutait attentivement le vieux serviteur dont les yeux restaient toujours baissés. Il semblait se demander si sous ces paroles ne se cachait pas quelque arrière-pensée. Puis, reprenant, « Que me veut Madame Bathory ?»« Pour des raisons que vous devez comprendre, elle désirerait avoir avec vous un entretien, monsieur le docteur. J'irai la voir. Elle préférerait venir à votre bord. Pourquoi ? Il importe que cet entretien soit secret. Secret ? Vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de son fils. Il ne faut pas que monsieur Pierre sache que Madame Bathory a reçu votre visite. » Cette réponse parut surprendre le docteur, mais il n'en laissa rien voir à Boric. « Je préfère me rendre à la demeure de Madame Bathory, » reprit-il. « Ne pourrais-je le faire en l'absence de son fils ?»« Vous le pouvez, monsieur le docteur, si vous consentez à venir dès demain. Pierre Bathory doit partir ce soir pour Zara, et il ne sera pas de retour avant 24 heures. » « Et que fait Pierre Bathory ?»« Il est ingénieur, mais jusqu'ici, il n'a pas encore pu trouver une situation. » Ah, la vie a été dure pour sa mère et pour lui. Dure, répondit le docteur Antekirt. Est-ce que Madame Bathory n'a pas des ressources? Il s'arrêta. Le vieillard avait courbé la tête pendant que sa poitrine se gonflait de sanglots. Monsieur le docteur, dit-il enfin, je ne puis rien vous apprendre de plus. Dans l'entretien qu'elle sollicite, Madame Bathory vous dira tout ce que vous avez le droit de savoir. Il fallait que le docteur fût bien maître de lui, pour ne rien laisser paraître de son émotion. « Où demeure Madame Bathory ? » demanda-t-il. « À Raguse, dans le quartier du Stradone, au numéro 17 de la rue Marinella. Madame Bathory sera-t-elle visible demain, entre 1h et 2h de l'après-midi ? Elle le sera, monsieur le docteur, et c'est moi qui vous introduirai près d'elle. Dites à Madame Bathory qu'elle peut compter sur moi, au jour et à l'heure convenue. Je vous remercie en son nom, répondit le vieillard. Puis, après quelque hésitation, « Vous pourriez croire, ajouta-t-il, qu'il s'agit d'un service à vous demander. Et quand cela serait ? » dit vivement le docteur. « Il n'en est rien, » répondit Boric. Puis, après s'être humblement incliné, il reprit la route qui va de Gravosa à Raguse. Évidemment, les dernières paroles du vieux serviteur avaient quelque peu surpris le docteur Antekirt. Il était resté sur le quai, immobile, regardant Boric s'éloigner. De retour à bord, il donna congé à Pointe-Pescade et à Cap Matifou. Puis, après s'être enfermé dans sa chambre, il voulut y rester seul pendant les dernières heures de cette journée. Pointe-Pescade et Cap Matifou profitèrent donc de la permission en vrais rentiers qu'ils étaient. Ils s'offrirent même le plaisir d'entrer dans quelques-unes des baraques de la fête foraine. Dire que l'agile clown ne fut pas tenté d'en remontrer à quelque équilibriste maladroit, que le puissant lutteur n'eut pas envie de prendre part à ses combats d'athlète, ce serait contraire à la vérité. Mais tous deux se souvinrent qu'ils avaient l'honneur d'appartenir au personnel de la Savarena. Ils restèrent donc simples spectateurs et ne marchandèrent pas les bravos quand ils leur parurent mérités. Le lendemain, le docteur se fit mettre à terre un peu avant midi. Après avoir renvoyé sa baleinière à bord, il se dirigea vers la route qui réunit le port de Gravosa à Raguse. Belle avenue, disposée en corniche, bordée de villas, ombragée d'arbres, sur une longueur de 2 kilomètres. L'avenue n'était pas encore animée comme elle devait l'être quelques heures plus tard par le va-et-vient des équipages, par la foule des promeneurs à pied et à cheval. Le docteur, tout en songeant à son entrevue avec Madame Bathory, suivait une des contre-allées et il fut bientôt arrivé au Borgo Pile, sorte de bras de pierre qui s'allonge hors du triple vêtement des fortifications de Raguse. La poterne était ouverte et à travers les trois enceintes donnait accès dans l'intérieur de la cité. C'est une magnifique artère dallée, ce Stradone, qui depuis le Borgo Pile se prolonge jusqu'au faubourg de Ploče, après avoir traversé la ville. Il se développe au pied d'une colline sur laquelle s'étage tout un amphithéâtre de maisons. À son extrémité s'élève le palais des anciens doges, beau monument du XVe siècle, avec cour intérieure, portique de la Renaissance, fenêtres à plein cintre, dont les sveltes colonnettes rappellent la meilleure époque de l'architecture toscane. Le docteur n'eut pas besoin d'aller jusqu'à cette place. La rue Marinella, que Boric lui avait indiquée la veille, débouche à gauche, vers le milieu du Stradone. Si son pas se ralentit un peu, ce fut au moment où il jeta un rapide coup d'œil sur un hôtel, bâti en granit, dont la riche façade et les annexes en équerre s'élevaient sur la droite. La porte de la cour, alors ouverte, laissait voir une voiture de maître avec un superbe attelage, coché sur siège, tandis qu'un valet de pied attendait devant le perron, abrité d'une élégante véranda. Presque aussitôt, un homme montait dans cette voiture. Les chevaux franchissaient rapidement la cour et la porte se refermait sur eux. Ce personnage était celui qui, trois jours auparavant, avait accosté le docteur Antekirt sur le quai de Gravosa. C'était l'ancien banquier de Trieste, Silas Dorontal. Le docteur, désireux d'éviter cette rencontre, s'était reculé précipitamment et il ne reprit sa route qu'au moment où le rapide équipage eut disparu à l'extrémité du Stradone. « Tous deux dans cette même ville, » murmura-t-il. « Ceci est la part du hasard, non la mienne. » Étroite, raide, mal pavée, de pauvre apparence, ces rues qui aboutissent à la gauche du Stradone. Qu'on imagine un large fleuve n'ayant pour tributaire que des torrents sur l'une de ses rives. Afin de trouver un peu d'air, les maisons grimpent les unes au-dessus des autres à se toucher. Elles ont les yeux dans les yeux, s'il est permis de nommer de cette façon les fenêtres ou lucarnes qui s'ouvrent sur leur façade. Elles montent ainsi jusqu'à la crête de l'une des deux collines dont les sommets sont couronnés par les forts Minceto et San Lorenzo. Aucune voiture n'y pourrait circuler. Si le torrent manque, excepté les jours de grande pluie, la rue n'en est pas moins un ravin, et toutes ces pentes, toutes ces dénivellations, il a fallu les racheter par des paliers et des marches. Vif contraste entre ces modestes demeures et les splendides hôtels ou édifices du Stradone. Le docteur arriva à l'entrée de la rue Marinella et commença à monter l'interminable escalier qui la dessert. Il dut franchir ainsi plus de 60 marches avant de s'arrêter devant le numéro 17. Là, une porte s'ouvrit aussitôt. Le vieux Boric attendait le docteur. Il l'introduisit, sans mot dire, dans une salle proprement tenue, mais pauvrement meublée. Le docteur s'assit. Rien ne pouvait donner à penser qu'il éprouva la plus légère émotion à se trouver dans cette demeure, pas même lorsque Madame Bathory entra et dit « Monsieur le docteur Antekirt ?»« C'est moi, madame, » répondit le docteur en se levant. « J'aurais voulu, » reprit Madame Bathory, « vous éviter la peine de venir si loin et si haut. » « Je tenais à vous rendre visite, madame, et vous prie de croire que je suis tout à votre service. »« Monsieur, » répondit Madame Bathory, « c'est hier seulement que j'ai appris votre arrivée à Gravosa, et j'ai aussitôt envoyé Boric pour vous demander un entretien. »« Madame, je suis prêt à vous entendre. »« Je me retire, » dit le vieillard. « Non, restez, Boric, » répondit Madame Bathory. « Seul ami de notre famille, vous n'ignorez rien de ce que j'ai à dire au docteur Antekirt. » Madame Bathory s'assit et le docteur prit place devant elle, tandis que le vieillard restait debout près de la fenêtre. La veuve du professeur Étienne Bathory avait alors 60 ans. Si sa taille était droite encore, malgré la pesanteur de l'âge, sa tête toute blanche, sa figure sillonnée de rides, indiquaient combien elle avait eu à lutter contre le chagrin et la misère. Mais on la sentait énergique encore, comme elle l'avait été dans le passé. En elle se retrouvait la vaillante compagne, la confidente intime de l'homme qui avait sacrifié sa position à ce qu'il avait cru être son devoir, sa complice enfin lorsqu'il s'était jeté dans la conspiration avec Mathias Sandorff et Ladislas Zatma. « Monsieur, dit-elle d'une voix dont elle eut vainement essayé de dissimuler l'émotion, puisque vous êtes le docteur Antekirte, je suis votre obligé et je vous dois le récit des événements qui se sont passés à Trieste il y a 15 ans. Madame, puisque je suis le docteur Antekirte, épargnez-vous un récit trop douloureux pour vous. Je le connais. Et j'ajoute, puisque je suis le docteur Antekirte, que je connais aussi tout ce qu'a été votre existence depuis cette date inoubliable du 30 juin 1867. Me direz-vous alors, monsieur, reprit Madame Bathory, à quel motif est dû l'intérêt que vous avez pris à ma vie? Cet intérêt, madame, est celui que tout homme de cœur doit à la veuve du Magyar qui n'a pas hésité à risquer son existence pour l'indépendance de sa patrie. Avez-vous connu le professeur Étienne Bathory? Demanda la veuve d'une voix un peu tremblante. Je l'ai connu, madame, je l'ai aimé, et je vénère tous ceux qui portent son nom. Êtes-vous donc de ce pays pour lequel il a donné son sang? Je ne suis d'aucun pays, madame. Qui êtes-vous alors? Un mort qui n'a pas encore de tombe, répondit froidement le docteur Antekirte. Madame Bathory et Boric, à cette réponse si inattendue, tressaillirent. Mais le docteur se hâta d'ajouter. Cependant, madame, ce récit que je vous ai prié de ne pas me faire, il faut moi que je vous le fasse, car s'il est des choses que vous connaissez, il en est d'autres qui vous sont inconnues, et celles-là, vous ne devez pas les ignorer plus longtemps. « Soit, monsieur, je vous écoute, » répondit Madame Bathory. « Madame, » reprit le docteur Antekirte, « il y a 15 ans, trois nobles Hongrois se firent les chefs d'une conspiration qui avait pour but de rendre à la Hongrie son ancienne indépendance. Ces hommes étaient le comte Mathias Sandorff, le professeur Étienne Bathory, le comte Ladislas Zatmar, trois amis confondus depuis longtemps dans la même espérance, trois êtres vivant du même cœur. Le 8 juin 1867, la veille du jour où allait être donné le signal du soulèvement qui devait s'étendre dans tout le pays hongrois et jusqu'en Transylvanie, la maison du comte Zatmar à Trieste, dans laquelle se trouvaient les chefs de la conspiration, fut envahie par la police autrichienne. Le comte Sandorff et ses deux compagnons furent saisis, emmenés, emprisonnés la nuit même dans le donjon de Pisino. Et quelques semaines après, ils étaient condamnés à mort. Un jeune comptable, nommé Sarkany, arrêté en même temps qu'eux dans la maison du comte Zatmar, parfaitement étranger au complot d'ailleurs, ne tarda pas à être mis hors de cause, puis relâché après le dénouement de cette affaire. La veille du jour où la sentence allait être exécutée, une évasion fut tentée par les prisonniers, réunis alors dans la même cellule. Le comte Sandorff et Étienne Bathory, en s'aidant de la chaîne d'un paratonnerre, parvinrent à s'enfuir du donjon de Pisino, et ils tombèrent dans le torrent de la Foiba au moment où Ladislas Zatmar, saisi par les gardiens, était mis dans l'impossibilité de les suivre. Bien que les fugitifs eussent peu de chances d'échapper à la mort, puisqu'une rivière souterraine les entraînait au milieu d'un pays qu'ils ne connaissaient même pas, ils purent cependant gagner les grèves du canal de l'Eme, puis la ville de Rovigno, où ils trouvèrent asile dans la maison du pêcheur Andrea Ferrato. Ce pêcheur, un homme de cœur, avait tout préparé pour les conduire de l'autre côté de l'Adriatique, lorsque, par vengeance personnelle, un Espagnol nommé Carpena, qui avait surpris le secret de leur retraite, dénonça les fugitifs à la police de Rovigno. Ils tentèrent de s'échapper une seconde fois, mais Étienne Bathory, blessé, fut aussitôt repris par les agents. Quant à Mathias Sandorff, poursuivi jusqu'au rivage, il tomba sous une grêle de balles et l'Adriatique ne rendit même pas son cadavre. Le surlendemain, Étienne Bathory et Ladislas Zatmar étaient passés par les armes dans la forteresse de Pisino. Puis, pour leur avoir donné asile, le pêcheur Andrea Ferrato, condamné aux galères perpétuelles, était envoyé au bagne de Stein. Madame Bathory baissait la tête. Le cœur serré, elle avait écouté sans l'interrompre le récit du docteur. Vous connaissiez ces détails, madame ? Lui demanda-t-il. Oui, monsieur, comme vous-même vous les avez connus, par les journaux sans doute. Oui, madame, par les journaux, répondit le docteur, mais ce que les journaux n'ont pu apprendre au public, puisque cette affaire avait été instruite dans le plus grand secret, je l'ai su, moi, grâce à l'indiscrétion d'un gardien de la forteresse, et je vais vous l'apprendre. Parlez, monsieur, répondit madame Bathory. Si le comte Mathias Sandorff et Étienne Bathory furent trouvés et pris dans la maison du pêcheur Ferrato, c'est qu'ils avaient été trahis par l'Espagnol Carpena. Mais s'ils avaient été arrêtés 3 semaines avant dans la maison de Trieste, c'est que des traîtres les avaient dénoncés aux agents de la police autrichienne. Des traîtres ? Dit madame Bathory. Oui, madame, et la preuve de cette trahison résulta des débats mêmes de l'affaire. Une première fois, ces traîtres avaient surpris au cou d'un pigeon voyageur un billet chiffré adressé au comte Sandorff et dont ils prirent le fac-similé. Une seconde fois, dans la maison même du comte Zatmar, ils parvinrent à obtenir un décalque de la grille qui servait à lire ses dépêches. Puis, lorsqu'ils eurent pris connaissance du billet, ils le livrèrent au gouverneur de Trieste. Et sans doute, une partie des biens confisqués du comte Sandorff servit à payer leur délation. C'est misérable, les connaît-on ? Demanda madame Bathory, dont l'émotion faisait trembler la voix. Non, madame, répondit le docteur, mais peut-être les 3 condamnés les connaissaient-ils, et auraient-ils dit leur nom, s'ils eussent pu revoir une dernière fois leur famille avant de mourir. En effet, ni madame Bathory, alors absente avec son fils, ni Boric, retenu dans la prison de Trieste, n'avaient pu assister les condamnés à leur dernier moment. Ne pourra-t-on jamais savoir le nom de ces misérables ? Demanda madame Bathory. Madame, répondit le docteur Antekirt, les traîtres finissent toujours par se trahir. Voici maintenant ce que je dois ajouter pour compléter mon récit. Vous étiez restée veuve avec un jeune enfant de 8 ans, à peu près sans ressources. Boric, le serviteur du comte Zatmar, ne voulut pas vous abandonner après la mort de son maître, mais il était pauvre et n'avait que son dévouement à vous apporter. Alors, madame, vous avez quitté Trieste pour venir occuper ce modeste logement à Raguse. Vous avez travaillé, travaillé de vos mains, afin de subvenir aux besoins de la vie matérielle comme aux besoins de la vie morale. Vous vouliez en effet que votre fils suivît, dans la science, le chemin qu'avait illustré son père. Mais que de luttes incessamment subies, que de misères courageusement supportées. Et avec quel respect je m'incline devant la noble femme qui a montré tant d'énergie, devant la mère dont les soins ont fait de son fils un homme. En parlant ainsi, le docteur s'était levé et un indice d'émotion apparaissait sous sa froideur habituelle. Madame Bathory n'avait rien répondu. Elle attendait, ne sachant si le docteur avait achevé son récit ou s'il allait le continuer en rapportant des faits qui lui étaient absolument personnels et à propos desquels elle lui avait demandé cette entrevue. Cependant, madame, reprit le docteur qui comprit sa pensée, sans doute les forces humaines ont des bornes, et déjà malade, épuisé par tant d'épreuves, peut-être eussiez-vous succombé à la tâche si un inconnu, non, un ami du professeur Bathory, ne fût venu à votre aide. Jamais je ne vous aurais parlé de cela si votre vieux serviteur ne m'avait fait connaître le désir que vous aviez de me voir. En effet, monsieur, répondit madame Bathory, n'ai-je donc pas à remercier le docteur Antekirt ? Et pourquoi, madame ? Parce qu'il y a 5 ou 6 ans, en souvenir de l'amitié qui le liait au comte Sandorff et à ses 2 compagnons, et pour vous aider dans votre œuvre, le docteur Antekirt vous a fait adresser une somme de 100 000 florins. N'était-il pas trop heureux de pouvoir mettre cet argent à votre disposition ? Non, madame, c'est moi, au contraire, qui dois vous remercier d'avoir bien voulu accepter ce don, s'il a pu venir en aide à la veuve et au fils d'Étienne Bathory. La veuve s'était inclinée et répondit. Quoi qu'il en soit, monsieur, je tenais à vous témoigner ma reconnaissance. C'était le premier motif de cette visite que je voulais aller vous rendre. Mais il y en avait un second. Lequel, madame ? C'était de vous restituer cette somme. Quoi, madame ? Dit vivement le docteur. Vous n'avez pas voulu accepter. Monsieur, je ne me suis pas cru le droit de disposer de cet argent. Je ne connaissais pas le docteur Antekirt. je n'avais jamais entendu prononcer son nom. Cette somme pouvait être une sorte d'aumône, venant de ceux que mon mari avait combattus et dont la pitié m'eût été odieuse. Aussi n'ai-je pas voulu l'employer, même pour l'usage auquel le docteur Antekirt la destinait. Ainsi, cet argent est intact. Et votre fils ? Mon fils ne devra rien qu'à lui-même. Et à sa mère, ajouta le docteur, dont tant de grandeur d'âme, tant d'énergie de caractère, ne pouvaient qu'exciter l'admiration et commander le respect. Cependant, Madame Bathory s'était levée, et d'un meuble fermé à clé, elle tirait une liasse de billets qu'elle tendit au docteur. « Monsieur, dit-elle, veuillez reprendre cet argent, car il est à vous, et recevez les remerciements d'une mère comme si elle s'en fût servie pour élever son fils. » « Cet argent ne m'appartient plus, madame, » répondit le docteur en refusant d'un geste. « Mais je vous répète qu'il n'a jamais dû m'appartenir. Mais si Pierre Bathory en faisait usage, mon fils finira par trouver la situation dont il est digne, et je pourrai compter sur lui comme il a pu compter sur moi. Il ne refusera pas ce qu'un ami de son père insistera pour lui faire accepter. Il refusera. Du moins, madame, me permettrez-vous d'essayer ?» « Je vous prierai de ne rien faire, monsieur le docteur, » répondit Madame Bathory. « Mon fils ignore même que j'ai reçu cet argent, et je désire qu'il l'ignore toujours. »« Soit, madame, je comprends les sentiments qui vous font agir, puisque je n'étais et ne suis qu'un inconnu pour vous. Oui, je les comprends, et je les admire. Mais je vous le répète, si cet argent n'est pas à vous, il n'est plus à moi. » Le docteur Antekirt se leva. Le refus de Madame Bathory n'avait rien qui pût le froisser personnellement. Cette délicatesse ne provoqua donc en lui que le sentiment du plus profond respect. Il salua la veuve et il allait se retirer quand une dernière question l'arrêta. « Monsieur, dit Madame Bathory, vous avez parlé de manœuvres indignes qui ont envoyé à la mort Ladislas Zatmar, Étienne Bathory et le comte Sandorf. J'ai dit ce qui était, madame. Mais ces traîtres, personne ne les connaît ? Si, madame. « Qui donc ? Dieu !» Sur ce mot, le docteur Antekirt s'inclina une dernière fois devant la veuve et sortit. Madame Bathory était restée pensive. Par une sympathie secrète, dont elle ne se rendait peut-être pas bien compte, elle se sentait irrésistiblement attirée vers ce personnage mystérieux, si mêlé aux plus intimes événements de sa vie. Le reverrait-elle jamais ? Et si la Savarena ne l'avait conduite à Raguse que pour lui rendre cette visite, n'allait-il pas reprendre la mer et ne plus revenir ? Quoi qu'il en soit, le lendemain, les journaux annonçaient qu'un don anonyme de 100 000 florins venait d'être fait aux hospices de la ville. C'était l'aumône du docteur Antekirt, mais n'était-ce pas aussi l'aumône de la veuve qu'il avait refusée pour son fils et pour elle ?